Je veux l'heure et le paysage. Je veux des noms, même de passage. Les horaires de ramassage. L'emplacement de chaque ombrage. Et encore la destination de la prochaine clandestinité. Et le son du carillon qu'il me faudra encore guetter. Je saurai me souvenir de chaque enseigne et des sourires, de chaque main à retenir et des ardoises à repentir et encore des sabliers engorgés de verres pilés. Des promesses à la volée, oubliées dans un cendrier.